Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin. Nous sommes le 18 juin et bon courage à tous ceux qui vont commencer les épreuves du bac aujourd'hui, avec notamment l'épreuve de philosophie qui peut être un véritable calvaire. Donc bon courage à tous. Nous fêtons aujourd'hui les Léonces, ça vient du latin signifiant lion. Émotive, les Léonces possèdent une grande sensibilité et sont la plupart du temps fortement concernées par la famille et le foyer. Elles sont aussi très actives, dynamiques et indépendantes, soucieuses de prendre leur envol tôt et d'assumer des responsabilités. Éprises d'harmonie et désireuses d'avoir la paix, elles sont prêtes à fournir les efforts nécessaires pour maintenir l'équilibre autour d'elles. Elles sont d'ailleurs rassurantes, leur air paisible et leur apparence calme, voire flegmatique, réconfortent et attirent. Pourtant, elles sont excessivement nerveuses, mais compense par une activité incessante mais bien orchestrée, car elles ont de bonnes capacités d'organisation. Habituellement diplomates et nuancées, elles peuvent par impulsivité ou émotivité commettre des erreurs. Elles sont emportées mais pas le moins du monde rancunières, et lorsqu'elles se sont laissées aller à quelques emballements ou à la colère, elles n'auront de cesse qu'elles ne veulent rétablir la paix si chère à leur cœur. Tout chez elles est lié à la motivation. Quand elles veulent vraiment quelque chose, elles sauront mobiliser courage, volonté et une énergie au-dessus de la moyenne pour arriver au but convoité. En revanche, il peut leur arriver, une fois celui-ci atteint, de se lasser, de changer ou mieux, de vouloir encore progresser. En effet, c'est souvent l'inconnu ou la difficulté qui les attire, car elles aiment se dépasser. Dicton du jour, mauvais temps à la Saint-Léonce, peu de fruits, beaucoup de ronces, pluie de Saint-Léonce pour 30 jours s'annonce. Et alors on finit avec un dicton qui nous vient des Vosges, mais alors je ne sais pas où ils ont été le chercher celui-là. S'il pleut la veille de Saint-Gervais pour les blés, ces signes mauvais, car dit cela tierce partie est ordinairement pourrie, parce que par 30 jours le temps humide aura son cours, que si tel jour était serein, qu'on assure d'avoir du grain. Célébration internationale. Aujourd'hui en Égypte, c'est la fête de la République. En France, c'est la célébration de l'appel du 18 juin qui commémore donc l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle. C'était à Londres, hein, depuis Londres en 1940. Au Royaume-Uni, c'est le jour de Waterloo, célébré par certains régiments de l'armée britannique pour commémorer la victoire de Waterloo. Et aux Seychelles, c'est la fête nationale qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Constitution. Ça s'est passé en 18 juin 1815. Bataille de Waterloo, 1940, appel du 18 juin, 1946, proclamation de la République italienne, 1953, proclamation de la République égyptienne. Et on marque tout de suite une première pause musicale avec Paul McCartney en duo avec Michael Jackson sur le titre Say, Say, Say. Paul McCartney, Michael Jackson sur RGM. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 18 juin 1931. Naissance de Michou, directeur de cabaret français, 1941. Naissance de Roger Lemaire, ancien footballeur français devenu entraîneur. Il a joué de 1961 à 1975 au club de Sedan, Nantes, Nancy, Lens. Ensuite, il est devenu entraîneur en 1975 du club de Restart, de Lens, du Paris FC, de Strasbourg, de l'Espérance de Tunis, de nouveau du Restart, de l'équipe de France militaire, de Lens, de l'équipe de France de 1998 à 2002, de l'équipe de Tunisie, du Maroc, d'Akaragoukou, du CS Constantine, de l'Étoile du Sahel et enfin de Sedan. 1942, naissance de Paul McCartney, chanteur musicien britannique qui fait une carrière en solo mais qu'on a connu dans le groupe des Beatles. 1947, naissance de Linda Thorson, actrice canadienne connue pour son rôle de Tara King dans la 6e saison de Chapeau melon et bottes de cuir. 1948, naissance de Philip Jackson, acteur britannique connu pour le rôle de l'inspecteur chef James Japp dans la série télé Hercule Poirot. 1960, naissance de Barbara Broccoli, productrice américaine, coproductrice des dernières adaptations de la série des James Bond. Tuer n'est pas joué, permis de tuer, GoldenEye, demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, meurt un autre jour, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et le prochain à sortir, Bond 25, est sorti prévu l'année prochaine. 1963, naissance de Dizzy Reed, claviériste américain, membre des Guns N' Roses depuis 1990. C'est également l'année de naissance de Christian Vadim, acteur français, vu au cinéma dans Nos plus belles vacances, dans le rôle de Jackie, Le jeu de la vérité, la série télé Navarro, Julie Lescaut, équipe médicale d'urgence, dans le rôle du docteur Gaspard Perrac, Alice Nevers, section de recherche, dans le rôle du procureur Thierry Calvi, et au théâtre, dans Le jeu de la vérité, Boire, fumer et conduire vite, ou encore L'appel de Londres. 1971, naissance de Nathan Morris, chanteur américain des Boyz II Men. 1973, naissance d'Eddie Cibrian, acteur américain, vu dans Les Feux de l'amour, dans le rôle de Matt Clark, dans Sunset Beach, dans le rôle de Cole Deschanel, New York 911, dans le rôle de Jimmy Doherty, Esprit criminel, Les Experts Miami, dans le rôle de Jesse Cardoza, Rizzolian Isle, ou encore Rosewood, dans la saison 2, dans le rôle du capitaine Ryan Slade. C'est également l'année de naissance de Julie Depardieu, actrice française, vue dans Le Colonel, Chabert, Podium, dans le rôle de Véro, Un long dimanche de fiançailles, dans le rôle de Véronique Passavant, Rush Hour 3, Le bal des actrices, Les yeux jaunes des crocodiles, dans le rôle de Joséphine, et dans la série télé, Le tueur du lac, dans le rôle de Laure. 1975, naissance de Jamel Debbouze, humoriste, acteur français, vu dans Le ciel, Les oiseaux et ta mère, dans le rôle de Youssef, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans le rôle de Lucien, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, dans le rôle de Numéro bis, ainsi que dans Astérix aux Jeux Olympiques, vu également dans Le boulet, Angela, dans le rôle d'André, Indigène, dans le rôle de Saïd, récompensé au Festival de Cannes pour son rôle, prix d'interprétation, masculine collectif pour tous les interprètes du film. Vu également dans Hollywood, Sur la piste du marsupilami, Né quelque part, La marche, Pourquoi j'ai mangé mon père, La vache, Alad 2, sortie prévue pour cette année. Et dans la série télé H, on s'en souvient, dans le rôle de Jamel Dridi, réalisateur de Pourquoi j'ai pas mangé mon père et producteur du film Indigène. C'est aussi l'année de naissance de Marie Gillin, actrice belge, vue dans Mon père, ce héros, dans le rôle de Véronique Arnel, Lapa, Le bossu, dans le rôle d'Aurore, Le dîner, Coco avant Chanel, dans le rôle d'Adrienne Chanel, et dans la série Souviens-toi, dans le rôle de Marie et Kempf. C'est aussi l'année de naissance de Patrick Melton, scénariste américain, co-scénariste des films Saw 4, 5, 6 et 7. 1976, naissance d'Alana De La Garza, actrice américaine, vue dans Jag, La famille Carver, dans le rôle de Maria Serrano, Smallville, Charm, Les Experts Miami, dans le rôle de Marisol Delco, New York Police Judiciaire, dans le rôle de Connie Rubirosa, ainsi que dans Los Angeles Police Judiciaire et New York Unité Spéciale, vu aussi dans Scorpion et Criminal Minds Beyond Borders, dans le rôle de l'agent spécial Clara Seger. 1986, naissance de Richard Gasquet, joueur de tennis français, professionnel depuis 2002, meilleur classement à l'ATP, la 7e place atteinte en 2007, demi-finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, quart de finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'Open d'Australie. En double mix, il a gagné une fois le tournoi de Roland-Garros et aux Jeux Olympiques de 2012. En double, il a remporté une médaille de bronze. Il compte également une Coupe Davis remportée en 2017 ainsi qu'une Hopman Cup remportée aussi en 2017. Et on termine les anniversaires en 1991 avec la naissance de Willa Holland, actrice américaine, connue pour son rôle de Caitlin Cooper dans la série Newport Beach, son rôle d'Agnès Andrews dans la série Gossip Girl et celui de Thea Quinn alias Speedy dans Arrow ainsi que quelques épisodes de la série The Flash. Allez, pause musicale, les Guns N' Roses et leur titre Knocking on Heaven's Door. Knock, knock. Les Guns N' Roses sur le 107 FM, un peu plus de 8h48, on parle météo. La météo. Et aujourd'hui, ce sera une belle journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages dans le ciel. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés cet après-midi. Pour mardi et mercredi, un franc soleil sera parmi nous. Des températures pour mardi comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés pour mardi après-midi. Et pour mercredi, ça va augmenter encore un petit peu. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés mercredi matin et entre 25 et 27 degrés pour un mercredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis, c'est le tournoi de Bois-le-Duc qui a vu une finale 100% française. Elle a été remportée par Richard Gasquet qui s'est imposé en 2-7 face à Jérémy Chardy. Et à Stuttgart, victoire de Roger Federer qui a battu en 2-7 Milos Raonic. Federer redevient à partir d'aujourd'hui numéro 1 mondial. Plusieurs tournois cette semaine et aujourd'hui à Birmingham. Ce sera sur les courts Kristina Mladenovic face à Siniakova et Océane Dodin face à Dounay. Un mot de rugby avec les championnats du monde U20 et la France qui est championne du monde après avoir battu l'Angleterre 33-25. Un mot de cyclisme où on a appris ce week-end que Thibaut Pinot devrait renoncer au Tour de France qui débute dans 3 semaines maintenant. Allez, on s'envole maintenant pour la Russie. Et on fait un point complet sur tous les matchs qui ont lieu depuis vendredi. Avec l'Uruguay qui s'est imposé 1-0 face à l'Égypte. L'Iran qui s'est imposé 1-0 face au Maroc. Le Portugal et l'Espagne ont fait match nul, 3-0. Samedi, la France qui n'était pas très convaincante, on va se l'avouer, s'est tout de même imposée 2-1 face à l'Australie. L'Argentine et l'Islande ont fait match nul, 1-0. Le Danemark s'est imposé 1-0 face au Pérou. Et la Croatie s'est imposée 2-0 face au Nigeria. Et dans la journée d'hier, la Serbie s'est imposée 1-0 face au Costa Rica. L'Allemagne s'est inclinée 1-0 face au Mexique. Et le Brésil a fait match nul face à la Suisse, 1-0. Donc, parmi les favoris pour cette Coupe du Monde, c'est la France qui, malgré tout, s'en sort pas si mal, puisque elle a empoché les 3 points de la victoire. Quant au Portugal et l'Espagne, l'Argentine et le Brésil ont empoché qu'un point du match nul. Et l'Allemagne, elle, a carrément perdu son premier match. Et aujourd'hui, 3 matchs. Le premier, c'est à 14h. Ce sera Suède-Corée du Sud. 17h, Belgique face au Panama. Et à 20h, Tunisie Angleterre. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec les Boys to Men et leur titre I Will Make Love to You. Tonight is just your night. We're gonna celebrate all through the night. Pour the wine, light the fire. Girl, your wish is my command. I submit to your demands. I will. I will not. Les Boys to Men sur RGM, 8h56, tout juste passé de quelques secondes, et c'est l'heure pour nous, eh bien, déjà de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, la rediffusion du Clip Clap On Tourne, 11h, rediffusion de l'Action Slam, à 13h30, rediffusion des coups de cœur d'Aurélien, à 15h, salut les 60 avec Gérard, 18h, l'heure des loups avec Lou, 20h, rediffusion du calendrier de François, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.